incognito, l'air est beau. Ok, les gens urbaines, ok. Regarde où vont mes jours, trop de prison dans les alentours. C'est pour notre jeunesse qui tape en bas des tours. Toujours dans l'excès, pourtant bien éduqués. Et nos familles n'en peuvent plus. Des allers-retours au parloir égaré. J'ai perdu la route comme a indiqué Roger. Par le doute du jour où j'ai pris le détour. Pour eux la vie c'est facile. Faut un peu d'amour, beaucoup d'oser, c'est réglé. Trouver l'équilibre, chez nous c'est trop de peine, trop de haine. Manque d'argent, pas moyen d'en faire, stressé par les agents. Du mal à rester libre, c'est bâtard. T'empêche de vivre, tout s'entasse dans le vivier. À ce marché, tu s'écraser. Vu, personne veut passer en dernier. Regardez, jour défilé. Et Dieu seul sait que mon temps est compté. Bercé par les tentations du chétan. Dur à se relever, du mal à combattre. Trop charmé, jour défilé. Et Dieu seul sait que mon temps est compté. Bercé par les tentations du chétan. Dur à se relever, du mal à combattre. Trop charmé. Plus d'amour, rien que la guerre, que des larmes pour les frères qu'on enterre sur les ondes de nos pères. Subtenir mon repère, ouais dealer, qu'on baise tous les inspecteurs. Ouais dealer, que c'est l'heure de démasquer les imposteurs. Partout c'est la misère, de nos voix on se sert comme une arme véritable. Rien que des faussaires, plus d'âme charitable. Enferme nos potes en zone comme des bêtes dans une étable. Atmosphère insupportable, l'étable à ma cible. On crache sur l'insigne pour survivre, seule consigne. Faut qu'on cède, qu'on saigne, impossible qu'on cède. Voilà ce qu'on nous enseigne, ici trop jeune décède. Partout c'est la même merde. Laisse-moi baisser l'état, tirer dans le tas. Les gens urbaines, les récal, Beretta. Sans strass, mes paillettes, j'suis pas la marionnette, l'état. J'rentre à coup de tête, j'nique l'industrie, j'prends ce que l'état nous doit, ça cause mettre un doigt. Tu kiffes nos morceaux, ennemi, tu vas faire quoi? Les jours défilent, les stupes nous filent, la bac nous file, nous on les enfile. On nique les RG au bout du fil. Comment servir d'exemple quand t'as le flingue sur la table, la vie t'a percé. Sous son emprise, certains se retrouvent à se percer. Trop d'excès, même Iblis étonné, dépassé par les kiffeurs, beaucoup font plus que blasphémer. La vie trop réaligne, mes frères trop hargneux. Survie dans ce pays, en forêt de haineux. Quand ton cœur saigne, qui peut soigner ta plaie? Quand tu te retrouves dans la merde, ils se réjouissent d'emblée. Notre temps est compté, chaque fois on se repasse des scènes. Quand on croise des chevilles, on pense à ta oufique dans la. Regardez, jour défilé, et Dieu seul sait que mon temps est compté. Bercé par les tentations du chétan, dur à se relever, du mal à combattre, trop charmé. Regardez, jour défilé, et Dieu seul sait que mon temps est compté. Bercé par les tentations du chétan, dur à se relever, du mal à combattre, trop charmé. J'ramène le cauchemar de la France, moi pousser la rose du béton. Noirci quand tu vois un frère tomber du balcon. Les larmes servent plus, plus on se rend compte. La rue nos histoires sales, pour nos règlements de compte. J'baise ma ville avec un accent et un pont. La rue c'est pleine de fils de pute, j'garde mon voix sur la détente. Cagoulé, j'viens braquer la recette. J'ai vendu pute, un Porsche, un yacht, des liasses et un Q7. Au départ la nuit, les familles se demandent ce qu'on cherche ici. Errer ici, une maladie au milieu de débris. Où rien ne brille, où le liquide est proche. Des barons acier, de la grille. Nos vies d'un qu'un fil. La grille pour un coup de fil, la grille pour une sale fille. Tu vois la vraie famille ici, c'est Zub de Nîmes. Ça sent le crime, c'est que des inédits. Ça débrouille sans interdit. Regardez, jour défilé. Et Dieu seul sait que mon temps est compté. Bercé par les tentations du chétan. Dur à se relever, du mal à combattre. Trop charmé. Regardez, jour défilé. Et Dieu seul sait que mon temps est compté. Bercé par les tentations du chétan. Dur à se relever, du mal à combattre. Trop charmé.